bonsoir. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Ce soir, je vous propose un choix de musique variée. Il y aura entre autres un bloc consacré à la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, inspiré par le procès de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd. Alors, sans plus tarder, voici Considérable par le Gabonais Pierre Akendengue. Les cheveux de douleur s'embarqua dans son bateau, mu par un moteur en bois du pays. Il croisa les hommes léopards qui se nourrissent de sang, se curent les dents assis sur des bancs de sable en bois, pendant que les femmes chassent hippopotames et crocodiles dans le pays considérable. Première fois, il arriva dans la ville du pays. C'était un jour de marché, il vit beaucoup de gens marcher et marchander. Cadeau yana, y'a bon et chacun de remplir son panier. D'un peu de pollution, d'un petit peu d'indigestion, d'un peu d'aliénation, taxation du pays. Sur ce sonne à l'Angelus, en même temps que le canon, un vieux canon. Tous les enfants du pays, comme un seul, se mirent au pas en plein marché. Toute religion sert une politique, ces quelques mots à peine lancés. Poète fut emmené à plat ventre sur le dos par les mercenaires du pays qui l'enfermèrent au cachot. Considérable. Et derrière les barreaux, Poé se mit à chanter, il tomba beaucoup d'eau. Craignant une inondation, le geôlier supplia Poé de passer la frontière. Et de frontière en frontière, Poé remarqua qu'à chacune de nos frontières arbitraires, une armée de mercenaires s'entraîne en chuchotant le nom de sa prochaine victime. Quelqu'un que nous savons est pris de paix et de liberté. La liberté. Mais dès lors que l'on tire par réflexe, il tombe toujours quelque chose, parfois des gouttes d'eau, parfois un peu de sang. Un jour ce furent des gouttes d'eau, mêlées de sang d'innocents considérables. grand par les sentiments, lassé de tirer ailleurs, le tirailleur. Poé pensa que la situation nécessitait qu'il revint tirer chez nous. Vivre sans vivre la libération de mon pays, ce n'est pas digne de moi, mais c'est quelques mots à peine pensés, Poé sera pendu. Tout le peuple s'assembla, place de l'indépendance autour de la potence. Poé chanta à pleine voix, vivre sans vivre la liberté dans notre pays. Ce n'est pas digne d'un peuple considérable comme nous. Sur ce, la pluie redoubla de violence, et dans la confusion qui suivit, on ne revit pas Poé, on ne revit pas Poé. Mais depuis ce jour-là, un petit oiseau gris chante Poé, Poé. Et il est temps de nous, alors chacun se souvient. Vivre sans vivre la liberté dans son pays, ce n'est pas digne d'un peuple considérable, mais tout peuple est considérable, considérable.

regarde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épinilas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face, elle changera à chaque instant. Elle t'a pris pour un imbécile, mais toi tu trouves tout ça c'est bon. Ne me dis pas non, c'est inutile, car pour moi tu es un con. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Sois un peu fière, laisse-la tranquille. Elle se moque de toi, ça se voit, non? Je te comprends, ce n'est pas facile, car où tu marches, tu crées son nom. Ce n'est pas pour tes beaux yeux au fait, si elle t'a pris le bras devant les gens. Toi tu veux jouer Roméo et Juliette, mais elle ne pense qu'à l'argent. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Tu deviens solaire à cause d'une fillette, toi qui te crois intelligent. Excusez-moi, vraiment tu es bête, ce n'est pas de ta faute, monsieur Pigeon. Je t'en prie, oh camarade, on dirait tu n'es pas là. Moi je connais ces rigolades, je suis déjà passé par là. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais qui est ce camarade? Je parle seul, personne n'est là. Alors c'est moi le camarade, le pauvre con, et me voilà. ちっちゃな時から浮気なお前でいつもハラハラする。おいらはピエロさん、さよならお嫁に行っちゃうんだろう。今さら気にするのか俺を。 ちっちゃな時から俺の近くにはいつもお前がいて、ヘマもやれなんだ。さよなら明日からは一人だし大丈夫、気楽にやっていくさ。ちっちゃな時からかわいいお前だ、何かあったら来な、こんな俺だけど。さよなら夕焼けが綺麗だよ、泣くなんてお前らしくもないぜ。ちっちゃな時からちっちゃな時からあの時から、あの時から、ちっちゃな時から。 Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Vous avez entendu dans ce premier bloc Chikana Kokikar de la japonaise Maki Asakawa, extrait de la compilation Maki Asakawa, une compilation de l'artiste parue en 2015. Maki Asakawa est une chanteuse et compositrice japonaise des années 70. Vous avez pu entendre juste avant « Écoute-moi, camarade » du français d'origine algérienne Mazouni, extrait de « Un dandy en exil, Algérie-France 1969-1983 », une compilation parue en 2019. Ça a été précédé par « Sansa Tristesse » du Camerounais Francis Bébé. C'est extrait de la compilation « Psychedelic Sansa 1982-1984 », une compilation parue en 2014. Juste avant, vous avez entendu « Air à danser » du Pingouin Café Orchestra. C'est extrait du disque Pingouin Café Orchestra paru en 1981. Et on a débuté le bloc avec « Considérable » du Gabonais Pierre Akendenge. Ça vient du disque « Africa Obota », un disque paru en 1976. Turner died fighting for freedom. Emmett Till was lynched for sassing. Bessie Smith bled to death in front of a white folks' hospital. In a nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say can you see? Ask not what you can do for your country. But what in the fuck has it done for you? Dream of a land my soul is from. I hear a hand stroke on a drum. shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Elegant boy, beautiful girl, dancing for joy, delicate whirl, shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Two young lovers face to face, with undulating grace, they gently sway, then slip away to some secluded place. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Whispering trees echo their sighs, passionate pleas, tender replies. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Lovers in flight, upward they glide, burst at the height, slowly subside. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. And my slumbering fantasy assumes reality, until it seems it's not a dream, the two are you and me. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Just because you're black. You're black. You say you don't want to die because justice. I don't want to die because justice. You say you don't want to die because there's no cause to die for. Just because you're black. Now what would cause you to say that? Is it because you have a good job and a home in the suburbs? Or is it because you wear pink and yellows, causing all the women to scream from a cause unknown? Just because you're simply satisfied, that's no cause justice to forget who is the cause of black justice people being exploited and oppressed. Justice. There have been many causes men have justice chosen to die for, but many black men are justice dying for a cause, and because you justice think there's no cause to die for. Justice. Malcolm, Denmark, Martin justice all died because they knew justice what was the cause causing all of justice us to be exploited and depressed. Freedom. I hope you get a cause freedom to die for soon, because you're freedom gonna die anyway, just because you're black. Yes, I hope you get right soon, freedom, so there won't be anything causing me freedom to die because you didn't believe freedom in our cause. Niggers and freedom Negroes, listen to this. It's glorious to die for a cause, but not because. It just don't seem real. That's all I can say. I can't believe Dr. King has passed away. serve God's purpose. And now you're gone. Those of us who are left in your name will try to carry on. There's one more thing. Oh Lord, I would like to say, yeah. Those of us who are lucky, Lord, to see you again one day. But just for the record, you were talking shit. Long rap about no not being legislated for the people you've always hated in this hellhole that you we call home. No knock, the man will say, to keep that man from beating his wife. No knock, the man will say, to protect people from themselves. No knocking, head rocking, into shocking, shooting, cussing, killing, crying, lying, and being white. No knock. No knocks on my brother Fred Hampton, bullet holes all over the place. No knocks on my brother Michael Harrison, jammed a shotgun against his skull. For my protection, who's gonna protect me from you? The likes of you, the nerve of you, to talk that shit face to face, your tomato face deadpan, your deadpan deadening another freedom plan. No knocking, head rocking, into shocking, shooting, cussing, killing, crying, lying, and being white. But if you're wise, no knocker, you'll tell your no-knocking lackeys, ha! No knock on my brother's head, no knock on my sister's head, no knock on my brother's head, no knock on my sister's head, and double lock your door, because soon someone may be no-knocking, ha, ha, for you. No knock, to be slipped into John Mitchell's suggestion box. Breaking up big rocks on a chain gang, breaking rocks and saving my time. Breaking rocks, I tell, on a chain gang, cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there while I hit it. I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got the table long to go. I commit the crime, Lord, I need em. Crime of being hungry and poor. Left the grocery store man bleeding when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. I reckon that ought to get it in a wicket and a wicket. But I still got so terrible long to go. And did you say 5 years hard labor on the chain gang, you guanaco? I heard the judge say 5 years of labor. I heard my woman scream, Lordy, no. Hold it steady right there while I hit it. I reckon that ought to get it in a wicket and a wicket. But I still got so terrible long to go. Wanna see my sweet honey baby? Wanna break this chain off and run? I wanna lay down somewhere shady. Lord, it sure is hot in the sun. Hold it steady right there while I hit it. I reckon that ought to get it. Been wicked and wicked, but I still got so terrible long to go. Breaking up big rocks on a chain gang, breaking rocks and saving my time. Everybody's impressed or so concerned about heroin and marijuana and all that until they forget the most dangerous is narcotic that exists, and that's the narcotic that is injected into the minds of infants. It's called social narcotics. This is social narcotics. Free. It's just a lie, another game. Being married to slavery, answering to another man's name. Smith, John, and Bill. there's been no divorce. You're married still. Into black minds, white culture, traditions, and principles was injected. Systematically fed into infants until their hearts, souls, and minds was infected. Free, but raped of pride. Free and black, but white inside. Free, with no past or present, and the future's being denied. Mammy, little baby, don't know his name. Boy, Smith and John binds him to slavery. And much stronger are these psychological chains. Free, but left at prey. Physically raped, producing from black mothers, black tans and shades of gray. Mutilated beyond recognition, nothing is free. Pay, nigga, pay. Mixed up physically and mentally by a mathematical scheme of a devil. Free, but there'll be no social mixing. The scheme was devised too clever. Black men developed for domestic use. Black women cultivated for household and sexual abuse. Black bodies with white minds, and in their graveyard heads, a thousand thoughts all white, all dead. And a tombstone carved for Willie, Tom, and Dave. Free? How free is the body when the mind's a slave? Yes, damn it, the scheme was clever, but nothing lasts forever. A spark of light and a whisper of truth. The nigga was dead, the nigga was gone. Free. Free. The black man was born. Still, the days of slavery are not gone. Whiteys too was caught in this devil's scheme and led to believe distorted lies beyond your wildest dreams. Being injected with a social lie, Whitey became an addict to a drug called supremacy, which he devised. Free? Yes, I'm free. But what are we going to do with all the whiteys whose freedom depended upon me, and free no longer because they can't look down at me? Old nigga with your bowed head and your bending knees, old nigga conditioned and cultivated to serve and please. Free? Yes. The North American nigga's free. He got up off his knees and raised his head and left to moan a multitude of whites. Supremacy was dead. Now suffering from a self-inflicted disease, curable only by bowed head on niggas with bending knees. Supremacy was the drug injected into their hearts, minds and souls. Now it's like kicking turkey that's cold. Free. Yes, I'm free. So call me militant to lock white as mine. Free, and yes, he faced a rapid decline. Caught in his own mathematical scheme, it's only a matter of time. Lady Justice has removed her blind. Miss Liberty has dropped her arm and in humble submission bowed her head. Free is the black man and supremacy is dead. Say Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Brébriand au microphone et au choix des disques. Alors, vous avez pu entendre dans ce bloc inspiré par la lutte pour les droits civiques aux États-Unis et par le procès de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd. Vous venez d'entendre « If you don't like the effect, don't produce the cause » du groupe The Funkadelic. Cet extrait de « America Eat Its Young », un album paru en 1972. Ça a été précédé par « Social Narcotics » du chanteur et poète Bama the Village Poet. Cet extrait de « Ghettos of the Mind », un album paru en 1972. Nous avons entendu juste avant « Freedom Death Dance » de Eugene McDaniels. Cet extrait de « Headless Heroes of the Apocalypse », un album paru en 1970. Juste avant, c'était « Work Song », interprété par Oscar Brown Jr. Cet extrait de « Sin and Soul and Then Some », un album paru en 1960. Juste avant, c'était « No Knock » de Gil Scott-Heron, extrait de l'album « The Revolution Will Not Be Televised », paru en 1974. Ça a été précédé par « Heaven Will Welcome You, Dr. King » de la chanteuse Big Mabel, extrait de « The Road Jack Years », une compilation parue en 2012. C'était l'hommage de Big Mabel à Martin Luther King après son décès. Juste avant, vous avez entendu « Just Because » du groupe The Last Poets, extrait de The Last Poets, paru en 1970. Ça a été précédé par Afro Blue, ce grand classique de Mongo Santamaria, interprété ici par Abbey Lincoln, extrait de l'album Abbey is Blue, un album paru en 1959. On a débuté le bloc avec America, avec 3K, du groupe de Black Voices, connu sous le nom de The Watts Poets, cet extrait de On the Street in Watts, un album paru en 1969. boyanır zihni karanlık renklere. Gün yeniden başlasa da rutinine mahkum yaşamına en mutsuz şekilde uyandığında nerede o seni sarhoş eden ayarları günden güne kaybolan ilgileri şarkıları bile bayat kenarlarını arzuları bile kokmuş libidonla örtüşmeyen gerçekliğine. Yeah. nantis dat toa aon. Em saber que às vezes o sentimento é maior que a vida. C'est déjà presque tout pour l'émission Les Échangeurs d'air de ce mercredi. Vous étiez en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. On a entendu dans ce dernier bloc Amor Tece D'Or du groupe Fumaça Preta, un groupe composé de musiciens d'Angleterre, du Portugal et du Venezuela. C'est extrait de leur premier album Fumaça Preta, paru en 2014. Ça a été précédé de Yelalar, de la chanteuse turque Selda Bakkan. C'est extrait d'une compilation de l'artiste qui est parue plus tôt cette année. Ça a été précédé par All Tomorrow's Parties, d'Erita Mitsuko. C'est extrait de la compilation Les Enfants du Velvet, une compilation parue en 1985. Juste avant, on a entendu Durma, du groupe anglais Kit Sebastian. C'est extrait de Mantra Moderne, un album paru en 2019. Juste avant, on a entendu Lam Samai Dao du groupe français Cochin Moon. C'est extrait de l'album éponyme paru en 2017. On a débuté le bloc avec Menuet 1 de Felix Kubin und das Mineral Orchester d'Allemagne. C'est extrait de Ill Music for Film and Theater, un album paru en 2016. Je vous laisse avec Le corps du cuistre du musicien et guitariste français Mock.